pas se tromper. Et italienne aussi un peu. Chanson de Nino Ferrer. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour, il y avait le silence. HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu et ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. C'était pas si mal. C'est normal, c'est le progrès. J'amène à te... Merci, bravo. Merci. Merci, bravo. Nino Ferrer, oui, bravo Nino. Avez-vous vu Mirza? Oh doudoum toum, oh la la la la la, toum toum toum toum. Avez-vous vu Mirza? Toum toum toum toum, où est passé son toum? Où est passé ce chien? Toum pou pou pou, je les cherche partout. Je les lèche, les arrête de le lécher, puis cherche-le, ouais. Alors, je cherche, je trouve dans ma besace, une méga besace. Toutes mes rencontres radiophoniques que j'ai faites en Europe, en France, à Paris, endroit où se trouve la tour Ephrem, la tour de Pise. Hey, la tour de Pise, c'est pas... Elle est là-bas. Y a rien, ben voyons, c'est pas en Italie. En Italie, il y a la sauce à pizza. Oh! Le pepperoni. Oh! Le spaghetti. Oui. Le ravioli. Oui. Le paradis. Artificiel. Au bord de l'eau, il y a les oiseaux, il y a les bandes, il y a des bandes, Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur du chien et on a peur du loup. Et tout là-haut, flottait ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première fois. Dans le zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin. Hey, ils s'en viennent! Ah, Mandou, c'est pas vrai, Madame Tremblay. Cachez-vous en dessous du tabouret, près de la chemise, au-dessus de sa jupe, près de sa petite chemise. Monsieur le Président, sa chemise qui est aussi chesse que l'archiduchesse, sont-elles chesse ou archibèche? Hey, c'est pas du tout la... Non, attendez. Les chemises! Les tantans, les chemises de l'archiduchesse. Excellent. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il voulait dire? Les chemises de l'archiduché et monsieur. Hey, est-ce que t'as vu? J'ai la couperette. C'est une nouvelle chose, ça. T'as jamais vu ça? Prends le Toton de Camonde, page 17. Le Toton de Camonde, page 17, oui. OK, le dessin, oui. En fait, c'est un sans-dessin. Oui, effectivement, c'est un sans-dessin. Oui, je sais que ça a comme allongé quand j'ai dit réalisé. Je glissais sur le réalisme. Oh! Lorsque tu glisses sur le réalisme, il y a de la réglisse à volonté. Oh, monsieur le président, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça, je regarde... Les gens ont visionné aussi, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a. Il y a Mirza, ou la la la la la, il y a Mirza, la la la la, où est passée cette chienne? On la cherche partout, où est passée cette chienne? Elle va me rendre fou, où est passée cette chienne? Où est passée Mirza, où est Mirza, où est Mirza, où est Mirza? C'est Mirza? Jean-Luc? Oui. Jean-Luc? Oui! C'est Mirza? Oui. Là-bas, là? Oui. Mirza? Oui. C'est le chien Mirza? C'est le chien Mirza. Parle-nous, Mirza. Oui. Jean-Luc? Alex? Mirza est un travelot. Ah, mon, c'est pas vrai. Effectivement, je tiens à m'excuser auprès des amateurs de Nino Ferrer dans son texte, sans doute codé. Ah non, c'est comme le FBI. Non, la GRC. Les chevaux penchés. Non, c'est pas les chevaux penchés, là, la GRC. Non, c'est les calottes montées. Les calottes montées. Montées dans... ils vont venir me chercher. Oh, dites-le pas. Ben, j'aimerais. Ben, allez-y. Oh. 1, 2, 3, je vous salue. Ils sont très montés. Ah, mon Dieu, montés vers le bas. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques et cathodiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, votre court-circuiteur de réalisme Reynald le Néant gagné. Comment ça, j'ai jamais appelé la pitoune? J'aurais aimé ça, là, jouer dans un boulier et dire... B-43, c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? B-43, non, c'est B-N-G. Ça serait O-43, B-I-N-G, G-43. OK. B-2. Oui, B-2. B-trave. Non, non, non. On va le dire. B-quille. Oh, mon Dieu. B. Lugo. Alors, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait, madame. Vous m'avez apprécié là-dedans dans le ridiculisme. Madame et messieurs, bonjour. Le ridiculisme est un mot inventé par une émission tout à fait ridicule. Il aime bien lorsqu'on lui joue dans le ridicule, ce gars-là. Taponnez-lui le ridicule, il rira. C'est un imbécile heureux. Il n'y en a tant pas, hein? Il n'y en a tant pas que ça. Tant qui? Tant pas. Ah, les enfants aiment bien ça lorsqu'ils ont mal aux dents d'avoir des tampas. Tampali, tampala et monsieur. Ça va bien, vous? Ça va très bien, monsieur. Gagné. Avez-vous? Non, j'ai absolument rien gagné, sauf ma naissance en 1977 et ma mort en 2019. C'est écrit. Quand elle me vient dans la mémoire, des faisceaux lumineux de mes amoureuses. Gazelle, elle est tout entendue. Elle vaut des cas, ni le tango, l'orido. Hey! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention, s'il vous plaît, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Deux volontés pour deux, s'il vous plaît, sans glace. L'absurde aventure de l'errance, qu'est-ce qu'il dit là? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant, il faut être présent là. Allô la coupole? Ici, l'errant rénaldien, tout est prêt. L'atterrissage commencera dans quelques minutes. Nous nous envolerons dans l'heure qui suit, dans la deuxième. La deuxième quoi? Deuxième allée, deuxième heure. Nous tenterons de fraterniser avec le zénith pour ensuite descendre ridiculement, et d'une manière assez fanfaronne vers le bas. Et rejoindre le noyau, les intraterrestres, dans quelques heures. Attachez pas vos ceintures, dilatez votre pupille et préparez-vous au pire. L'errance rénaldienne se barbouille à travers la fripouille qui est composée à travers ce petit fanfaron, ce ridicule personnage qui fait aujourd'hui l'adage de ses frères et pères et mères et notre votre leur. Rénal Gagné, le leur, oui, le leur. Non, il n'y a pas l'heure. Non. L'heure est venue. Car nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Absolument rien. Rendormez-vous, madame. Ah, oh, mon Dieu, je caillotte. Vous êtes comme le lait. Oui. Ah, il est tellement beau, le lait. Aujourd'hui, le vendredi... Vous parlez de Rénald, hein? Aujourd'hui, le vendredi 24 février 2012, les errances rénaldiennes présentent pour vous plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Gendarme? Jean du pays? C'est votre tour? De voir double. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un... Un 2. Décomposable. 9, 2. Ça fait 9, 10, 11. Hé, monsieur, 1 et 1 font 2. 2 juin 1977, C'est quoi? C'est rien. C'est mon anniversaire. Compositeur, interprète. Unissons-nous autour de cet auteur, compositeur et interprète Alex Bianchi. À l'antipode des artistes préfabriqués, Bianchi se pose là. Une voix rocailleuse à souhait, gorgée de soul et de blues, des textes incisifs sur des rythmes acoustiques et chaloupés du reggae au rock. On se demande encore comment les chansons de ce charismatique italo-strasbourgeois ne sont pas arrivées à vous. C'est d'abord de réapprendre à penser, à repenser les choses de la vie, de la nature humaine et terrestre, à la manière d'un nomade en quête d'éternité, en quête d'une accessible Bianchi. Et tantôt cool et tantôt colère, Errance Rinaldienne rencontra en juillet 2011 cet artisan de la chanson. Si vous avez rien compris à l'écriture de mon texte, c'est que j'ai fait ça à la pige par une pigiste qui ne pigeait pas mon comportement intellectuel. Alors arrêtons. Il y a un comportement là-dessus? Non, c'est là-dessous. Ne jamais prendre ces pigistes pour le en dessous, mais les prendre par le dessus. Quoique le cerveau est plus important que... Errant, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne sais pas. Errance Rinaldienne rencontra en juillet 2011 cet artisan de la chanson, un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Il faut s'arrêter ici et laisser la chanson nous enchanter le tympan. Tympan, tympan, tympan, tympan. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. J'étais fatigué d'être celle que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à pois. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des bordel, me prépare en tout cas. Où tu partirais d'avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et que je noue les mains pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps, dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille. Sens, hein? C'est oui. Le gars qui fait le rouleur, voilà. En même temps, c'est j'aime mon public, j'aime les gens. C'est merveilleux. C'est quelque chose d'assez. C'est le type qui apporte la banane. Ouais. Le Elvis français. Un peu plus que Johnny Hallyday. À fond. Ah, ouais, bah, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Oui. Moi, je l'aime davantage. Ah ben. Bah. C'est un grand personnage. Chez nous, on dit le schmoll. Le schmoll, oui. C'est strasbourgeois, n'est-ce pas? Non, c'est dans toute la France, c'est le schmoll. Ok, oui. Et donc, ta carrière, tranquillement, s'est aiguisée vers un album solo. Tu as consacré beaucoup d'énergie là-dessus. Il y a des amis qui se sont joints, ça? Ouais, à fond, ouais. Il y a plein de gens en fait sur ce disque, c'était mon premier disque. Lesquels? Parce que pas encore... Alors il y a dans les gens connus, il y a des gens comme le chanteur des Infidèles, oui. Jean Rigaud, qui est un vieil ami qui est venu faire des guitares et des chœurs. Après il y a des gens un petit peu moins connus comme Robert Dam, comme Said Red, il y a Loubette, partenaire et aussi co-auteur. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens, c'est ça qui est bien. Et Balmino aussi, Balmino qui est un artiste qui a écrit Manon, la chanson la plus triste. Et la... De ton album. Ouais, une chanson que j'aurais aimé écrire. Quoi. Okay. Voilà. Et combien de. Si on regarde sur l'album, combien de pourcentage que tu as composé là-dedans, combien de pourcentage a été proposé par des amis? Oh, c'est de l'ordre de... C'est à peu près 60-40. Je fournis 60% à peu près du truc, ouais. Et c'est mêlé autant du nouveau, au niveau de la création des écrits que de la musique? Ouais, tout à fait. Okay. J'ai fait... enfin, quoi que dans la musique, très peu, finalement. Ah, t'as mis très peu de... Moi, j'ai mis beaucoup de musique. Okay. Et on va dire 60% des textes. Ouais. Mais ta musique que tu l'as appris dans les écoles ou toi-même en bûchant sur comme on dit chez nous. Oh là, moi j'ai commencé. Ah, ouais, moi, j'ai commencé. J'ai rien. Tiens, écoute, j'ai pas grand-chose, je peux avoir 1 €, tu vois, si ça peut t'aider. Mais là, on est en train de bosser, tu vois, voilà. Pas de soucis. Bon, de rien. Alors. On parlait de quoi, donc? C'est juste la troisième fois. Bon, Ouais, je sais. Ben justement, moi, j'ai commencé en 82. Ok. À faire de la gratte et rapidement comme je suis issu d'une famille un peu, mon père était plâtrier émigré, j'ai vécu sur les bateaux et donc rapidement à l'adolescence j'ai fait de la guitare j'ai fait de la manche quoi. Pas capable d'arrêter, oh ouais, pas capable d'arrêter, oh ouais, pas capable d'arrêter, oh ouais, pas capable d'arrêter, oh ouais. Je fume comme un engin, comme une cheminée, du début de la gare à la fin de la journée. Contre capable d'arrêter. L'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi, j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le bruit. Je voudrais savoir le confort, comme on dit. J'en ai envie, je veux plus habiter au port. Là, à le sourire de dépression, ça c'est quand. Quand ça vous prend là, ça vous colle au corps, ça vous gratte partout tout le temps. Et vous, est-ce que vous avez le temps de prendre un café au port? C'est là que j'habite vraiment, et tant pis pour le confort là-bas. Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi, j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix. Je voudrais savoir le confort, comme on dit. J'en ai envie, je veux plus habiter au port. Et le sourire de dépression, ça c'est quand. Quand ça vous prend là, ça vous colle au corps. Ça vous gratte partout tout le temps. Et vous, est-ce que vous avez le temps de prendre un café au port? C'est là que j'habite vraiment, et tant pis pour le confort. Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi, j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix. Je voudrais savoir le confort, comme on dit. J'en ai envie, je veux plus habiter au port. Et le sourire de dépression, ça c'est quand. Quand ça vous prend là, ça vous colle au corps. Ça vous gratte partout tout le temps. Et vous, est-ce que vous avez le temps de prendre un café au port? C'est là que j'habite vraiment, et tant pis pour le confort. Maintenant il est mort vers ce chemin. Si vous rappelez plus tard, vous pourrez le ramasser. Si vous cherchez l'aventure, il n'est pas souvent présent. Si vous voyez la denture avec un bruit d'étang, si vous le ramassez maintenant, vous trouverez le C'est ça quand t'accroches le micro. Ça ici, c'est un pied. C'est rénal. Ça, c'est le deuxième pied. Le premier pied, c'est... Aimez-vous mourir à la David Letterman? Non, attendez, je vais recommencer. Mon rire à la David Letterman. C'est presque ça. Je n'ai pas encore pratiqué assez longtemps. Auprès des fanatiques Lettermaniacs. M'excuse infiniment. C'était pas ce que j'ai voulu faire. Je ne suis qu'un simple insolent qui console sa Lucifer. Là, ici, maintenant, qui? Lucifer. Monsieur, je crache-tu sur mon disque, non? Oui! Je crache sur mon disque de Richard Desjardins. Gaétan! Que se passe-t-il avec lui? Il est devenu un animal. Oh, mon Dieu! Rachète-lui tous ses disques, tous ses albums. Oh, comment t'avais dit? Ouais. Mais, OK. C'est... Il y a les miss... OK. Oui. Mais je peux... Les gens sont... On est en... Je dois... OK. Hein? Oui. Oui. Oui. Hein? OK. Ouais. Ben... Hein? Quand ça... Mais il est... Hein? Ben voyons. Mais il vient... Pourquoi on m'a... Ouais. OK. Hein? Non, non. Hein? Hein? OK. Mais là, je... OK. Mais je dois arrêter. C'est l'émission. Mais merci. OK. Je... Ouais. Ouais, mais écoute. Ouais. Oh, oui. Oui. Je peux-tu te rappeler? Oui, je fais mon émission. Ah, ça va aller. Merci. OK. Merci. Bye-bye. OK. Salut. Non, non, non, non. Bye-bye. Oui. OK. Oui. Non, mais ça, c'est plombé, hein? Les gens, vous étiez pris, là. Ça pleurait. Petit, Madame Tremblay. C'est pas vrai. C'est un radio-roman, là. Je vous ai eu, là. C'est, mais écoutez, là, ça se fait pas, ça s'improvise pas. J'ai eu des grandes études, des hautes études. C'est haut. C'était tellement haut que je me suis précipité vers le bas afin de m'amalgamer à tous les grands. J'ouvre aujourd'hui mon livre, mon grand livre. C'est moi qui a amené au summum Al Pacino dans ses œuvres. C'est moi également qui a amené Robert De Niro jusqu'en 86. Ensuite, il s'est fait entraîner par un autre mec d'une autre culture, d'une autre nomenclature, quoi. Oui, dans ces gens-là, il y en a d'autres. Il y a le tout petit, Jamel de Blues. Je l'ai jamais eu, Jamel de Blues. Non, non, non, non, non. Jamais je n'oserai l'avoir. Je ne prends que les... Là, ici, maintenant. Là, ici, attention. Qu'est-ce que tu allais dire sur Jamel de Blues? Jamel de Blues, enlève pas ta blouse, donne-toi du talent. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar, quoique s'il veut me rencontrer, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à tout. Même à une rencontre avec... Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ah, j'ai eu des petites chaleurs, moi, tantôt, là. C'était l'acteur studio en direct, là. Allez, Tremblay! Acteur studio en direct. Pardon? Pouvez-vous aller au fond des choses, M. Grenier? Là, si nous avons pas franchi le cœur des choses, si nous avons pas touché comme Guillaume Tell le pépin dans la pomme, un peu comme Zachary Richard qui disait « Dans l'arbre, il y a les feuilles, dans la feuille, il y a des branches, dans la branche, il y a des trous, dans les trous, il y a des nuages, dans les nuages, il y a des cieux, il y a des cieux, emmène-moi au pays des merveilles, et dis-moi que la misère sera moins pénible au soleil. » C'est pas Zachary Richard, ça. Lui, c'est dans le yambi, un petit trou, dans le yambi, un petit trou. Le trou est dans le yambi, on est fin. L'homme est dans ses fins, malinon, malinon. L'homme est dans ses fins, malinon, tondé. Dans le yambi, un petit trou, dans le yambi, un petit. Ça peut durer 2h30, ça, là. Toute l'émission pourrait passer dans l'arbre et dans ses feuilles. Puis ça finit par l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Alors, la première phrase de Bukowski, c'est « Je sortais d'une période de biture ». Il a utilisé le mot « biture hein. ». Dans « biture », il y a « Et biture ». Ouais, OK. Mais ensuite « aventure ». Oui. « Armature ». Oui, mais il y a aussi « bi, bi, bicéphale ». Oui. OK. Mais il y a « biture », là. Oui, « biture ». Oui. Alors, rendors-toi, mon Johnny. Merci, mon Renard. Alors, je me sortais d'une période de biture. Je me sortais aussi. On tente de se sortir lorsqu'on... Oui. Quoique... De biture qui m'avait coûté mon boulot, ma piole et peut-être ma tête. Ça ressemble étrangement à Zachary Richard, ça. Dans la tête, il y a un piton, dans le piton, il y a un tatin, la tête est dans la pion, la pion est dans la tête, le pion est dans bitume, bitume dans le cou dans le boulot est dans la pion est dans la tête est dans la pion est dans la vingue. C'est vraiment une chanson de Zachary Richard que mon ami Bukowski a créée sans le savoir, dans sa tête, là. Enfin, il l'avait presque perdu, là, dans cette nouvelle extravagante, là. Je me voyais déjà. Hey, t'as une consonance intéressante. Hey, c'est du succès à volonté ce soir. Merci à Myriam, à Jonathan et surtout à Carole Lewis. Carole Lewis. Oui, Carole Lewis. C'est qui, Carole Lewis? Hey, Alice. Alice qui? Alice Robbies. Au pays des merveilles. Au pays de l'émerveillement sonore et musical. C'est pas Errance Rinaldienne. Ben, hey, depuis quand? Depuis quand c'est pas cette émission-là à cette heure-ci? Depuis que je ne le savais pas. Et tu le sais maintenant? Oui. Alors danse, Vera. Attends. c'est bon, là, les Wampas, là, mais je veux dire la phrase, la première phrase. Non, le titre de la phrase. C'est le zoo libéré. Comme j'ai bifurqué beaucoup trop dans l'improvisation avant de vous envoyer la phrase, je n'ai plus de minutage à mon compteur. Ramène-moi là-haut, tonton, le ciel était si bleu. Ramène-moi là-haut, tonton, on était si heureux. Ramène-moi là-haut, tonton, le ciel était si bleu. Ramène-moi là-haut, tonton, c'était si merveilleux, si merveilleux. D'errance en errance, avec Rénal Gagné, sur CKRL, le 89.1 à Québec. trouvais que c'était plus correct. Alors tu l'as pris toi-même. Ah oui, bah enfin non, j'exagère un peu parce que ma mère chante du Brel et du Brassens. Ah oui. Chez elle, ouais, chez elle. Non, chez elle. Okay. Puis là, elle est. Faisant le ménage, en lavant la vaisselle. Elle m'a initié beaucoup à la musique, mais pas au sens technique, parce que c'est pas dans le grand plaisir de chanter. Ouais, voilà, chanter, d'interpréter des chansons. Et donc c'est sur sa guitare classique que j'ai commencé avec Led Zeppelin 2. Ah, elle jouait de la guitare aussi. Ouais. J'ai acheté mon premier album, c'était Led Zeppelin 2 en 1982. Ah, oui, voilà. Et c'est là où c'est parti, quoi. Okay. Et donc tu voulais jouer comme le Robert Plant Comme Jimmy Page. Après, ça a été Led Derby Rock d'ACDC. Et les Stones, évidemment, les Beatles, enfin, tout ce qui... Beaucoup d'influence de la musique rock connue. Et j'ai fait guitariste très tôt. J'ai commencé donc mon premier concert en 86, donc 4 ans après. Et après, j'ai fait une école en 91-92 et j'avais déjà plus de 400 concerts dans les pattes, tu vois. Et la région Alsace m'a même payé une partie de l'école, etc. Parce que j'étais un guitariste, c'est la grande époque des Joe Satriani, donc ils étaient toujours tous à la recherche du guitariste, ouais, du Jim Hendrix, de la région, quoi, tu vois. Ouais. Et tu l'étais ? Oui, j'ai essayé de le faire, mais ça m'a vite... En fait, j'ai perdu beaucoup de temps dans la musique à ce moment-là, parce que c'était vraiment, je trouve, une période musicale assez particulière, parce que les musiciens sont détachés de leur public, finalement, et... ont beaucoup plus fait de la musique pour musiciens que de la musique pour le public. Et la musique qu'on s'écoutait eux-mêmes. Voilà. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Hein. La musique comme du sport, on dit aussi. Oh, ouais, effectivement, c'est ça. C'est moi. Les musiciens, c'était là. Bon, s'ils sont là, tant mieux. Là. Ils vont amener de l'eau au moulin. Mais bon. Et donc voilà, j'ai eu la chance de faire beaucoup de conquêtes féminines grâce à ça. Ouais, la musique, ça attire la femme. De me droguer, de boire. Ouais. Et à 25 ans, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de temps. Okay. Et c'est là où j'ai monté la Space Family. Okay. Voilà. Et c'est de là un peu tu voulais faire ton Michel Fugain. Pourquoi pas? Avec une Gibson SG par contre. C'est ça, exactement. Mais c'est. Mais c'est un groupe qui t'a formé. Michel Fugain? Non. Non. Oui, presque. Non, mais la Family, c'est oui, même... oui, complètement. Et d'ailleurs, les trois premières années. C'est une très belle école. Ouais, et puis les trois premières années, en fait, ça a été vraiment... je savais pas chanter, en fait, tu vois, j'avais une voix blues naturellement, et donc je me suis pété la voix, j'ai échappé à pas mal d'opérations, j'ai fait de l'orthophonie... À cause de la corde vocale? Ouais, j'ai un polype sur la corde vocale. Ok, depuis. Mais ça donne un bon son. Et en fait, voilà, je me suis pas fait opérer, c'est mieux, parce que j'ai appris à l'utiliser, et du coup... Et ouais. Donc ça, un médicament, c'est la cigarette? Et le Jack Daniels. Ah ben oui, ben là, j'ai oublié le Jack Daniels. Le rince-gorgoton, comme on dit chez nous. Ou alors le Four Roses. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je trouve que tu as la voix de Dick Canoy, le chanteur belge. Dick Hanegaard. Oui, Dick Hanegaard. Ah ben je sais pas. Ben c'est un compliment. Non, mais il a une voix un peu comme la tienne, culturelle, incroyablement. Terrible. Fantastique, ce gars-là. Ouais. Begin the shows, baby. Begin the shows.

mais le galop. Des milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur, et tout ce monde sous la toile qui dort dans la profondeur. Réveillez-vous. Oh, v'là les Yankees, v'là les Yankees, y come we y go, v'là les gringos. Ils débarquèrent dans la clairière, ils disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, loadé de guns, avance et pogne le mégaphone. Nous venons de la part du Big Control. Son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout, tout, tout conquis jusqu'à la glace des galaxies. Le président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en amis, believe me. Maintenant, assez de discussions et signez-moi la reddition, car bien avant la nuit, nous regagnons la Virginie. Oh, v'là les Yankees, v'là les Yankees, y come we y go, v'là les gringos. Alors je compte jusqu'à trois et toutes vos filles pour nos soldats. Le grain, le chien et l'uranium, l'opium et le champ de l'ancien, tout désormais nous appartient. Et pour que tout soit bien compris, je compterai deux fois. Et pour les news, la NBC, tell me my friend, qui est le chef ici? Et qu'il se lève. Et le soleil se leva. Hey, gringo, escúchame, gringo. Nous avons traversé des continents, des océans sans fin, sur des radeaux tressés de rêves. Et nous voici devant vivant, fils de soleil éblouissant, la vie dans le reflet d'un glaive. America, America, ton dragon fou s'ennuie, amène-le que je l'achève. Caligula, c'est légionnaire, ton président, c'est millionnaire, sont pendus au bout de nos lèvres. Gringo, t'auras rien de nous, de ma mémoire de titan enfant. Ça fait longtemps que je t'attends. Gringo. Oh, gringo, gringo. Va-t'en. Va-t'en, gringo. Va-t'en. Allez, gringo. Que Dieu te blesse! La nuit dormait dans son verso, les chèvres buvaient au Rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Hey, gringo! Gringo! Petit sanglier, c'est toi là-bas dans le noir? Gringo, attends. Gringo, attends, attends. Arrête de chevaucher. Mais tu pleures. Tu pleures, gringo. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais devenir le gringo sédentaire? Mais donc c'est dans la terre que l'on te prie là, mais pas c'est sur la terre que tu vivras. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Arrête de sage. Gringo, je suis le sage. Je dis que la vérité. Depuis quand? Depuis quand vis-tu dans la singularité des mots? Dans le propal? Dans la piquée? Cette semaine, et ça, et on cherchait des mots pour vous envoyer la continuité de mon ami Richard Desjardins, mais c'était quand même une belle... Alternative? Non, un bel essai. Un bel essai. D'un sur 10. Moins 10. Moins 10, ça fait froid. Monte le chauffage, ma Germaine. Germaine, monte le chauffage et pars le bois. C'est du pareil au même. Non, il y a le ventilo derrière, là. À chaque fois que je fais mon émission, il y a des. C'est la chaleur extrême due à la technique, la grosse technique d'Errance Renadienne dans ce méga studio que vous voyez actuellement si vous nous visionnez sur mon site officiel d'Errance Renadienne. Comment on fait pour y arriver? Arriver à quoi? À ce site, c'est très simple. Sur goggle.fr, vous entrez dans l'ordinateur. Ensuite, après avoir entré vous dans l'ordinateur, prenez vos doigts, tapotez sur clavier bien endoctriné par Errance Renadienne, et vous tapotez Errance Renadienne. Entrez. J'ai pas d'entrée. Inter. Interview avec Errance Renadienne, oui. Et le premier errant sur la liste, ben c'est moi. Vous voyez mon site, mes émissions, mes vidéos. Parce que c'est filmé. Si vous venez de vous allumer à ce que je fais, j'allais dire deux fois le mot émission, mais ici, il n'y a pas de redondance. Ici, il n'y a pas de redondance. Alors, cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Et c'est un mot sombre, obscur, noirâtre, qui soulève pour certaines personnes un inconfort. Et c'est le mot nuit. Comment? Nuit. Est-ce que j'ai bien entendu? Ben, N-U-I-T. Nuit? Oui, la nuit. La nuit, la grande, la belle. Pour certains, c'est un cauchemar, la nuit. Il fait noir, tout le monde dort, les ondes sont les plus bas, les créateurs vivent dans le plus élevé de la création. Puis à travers ça, les rongées de remords, les gens qui remuent leur méninges à des fins étranges, qui ne sont pas quoi? Ben, qui ne sont pas nécessaires. Non qu'à écrire. Non qu'à faire des dessins. Non qu'à s'inventer un imaginaire pour pouvoir relaxer. C'est simple. C'est doux. C'est paisible. Donc, reconnectons avec nous-mêmes. Hey. Cherchons la flamme en nous. Hey. Ça fait peur, hein? Non. Non, ça fait pas peur. Ça fait simplement quelque chose d'autre que l'effervescence. La nuit, c'est un moment de recueillement, de sommeil, de noirceur qui nous amène à l'éclaircie intérieure de nous-mêmes. Jacqueline? Qui? Jacqueline. Jacqueline? Oui? Elle n'est pas là. Où elle est, ma Jacqueline? Ben, j'en ai aucune idée, là. Pourquoi vous cherchez Jacqueline? C'est parce que lorsqu'il fait noir, que je suis seul, Jacqueline est là près de moi. Oui, puis maintenant? Ben, Jacqueline n'est pas là. Mais si elle n'est pas là, elle est ailleurs. Elle est où? Elle écoute Errance Renadienne. Ah, mon, jusqu'à combien d'heures? Jusqu'à 2 heures du matin. Ah, mon, 2 heures du matin, quelle heure est-il? 1h07. Oh mon, 1h07 du matin, Jacqueline n'est pas là. Il reste 54 minutes de souffrance. Je vous salue, Jacqueline, toute puissante. Jacqueline, viens à moi. Viens à moi, ma belle Jacqueline. Car je suis prêt à t'écouter, même si t'as rien à dire, ma Jacqueline. Oh! Bah oui, beaucoup, on fait beaucoup de concerts. On a une formule justement avec Marco qui est un peu tout terrain et on fait beaucoup de petits lieux. Contrebasse et deux voix. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait du coup, on fait beaucoup de dîners-spectacles, de concerts, dans des petits clubs avec cette petite formule. Ça nous permet vraiment d'en vivre et de développer, d'aller vendre notre disque et de défendre notre disque sur les showcases dans les magasins, parce que c'est difficile maintenant d'avoir sa place quand on a un distributeur indépendant. Et de véhiculer le nom et de gagner correctement notre vie, puisque c'est un spectacle qui vaut aussi un spectacle avec 4 personnes. Hein, c'est... Et on a une formule à 3 où là c'est un peu plus plus rare qu'on joue, parce que c'est beaucoup de personnes. Ouais. Donc on divise la cote par 4. Même par 4, parce que du coup il y a un ingénieur du son, etc. Ça se complique un peu. Mais de travailler en région, c'est la meilleure recette. Et en fait, le truc, c'est que déjà, la France, c'est plutôt un grand pays en Europe. Quoi. Oui, mais c'est pas juste Paris, surtout et il est clair que le spectacle vivant n'est pas forcément partout représenté, tu vois. Et c'est ça qu'on essaie d'amener. Avec la crise, les gens n'ont pas forcément l'argent d'aller au spectacle, au restaurant ou dans les bars. Et nous, on fait beaucoup de dîners-spectacles à cause de ça. Okay. Alors les gens bouffent et en plus voient un spectacle. Voilà, pour le même prix. Et du coup, ils sont proches de nous, on vend beaucoup de CD. Du coup, ça c'est vachement intéressant parce que les gens veulent un souvenir de la soirée, oui, etc. Oui, ils ont bien passé la soirée. Hein, voilà. Donc ils veulent avoir un souvenir pour le dimanche. Voilà. Sur la soirée, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, il y a un rôle à la fois culturel et social qui est super, quoi. Ouais, et c'est vraiment à l'image des gens que j'admire, comme Lavilliers, Higelin ou CFN, des gens comme ça. Ils sont restés humanistes. Ils ont surtout vendu 100 000 disques avant d'être signés par une major, et comme ça, en jouant... Alors à l'époque, ils jouaient beaucoup dans les milieux ouvriers, etc. Malheureusement, ils sont beaucoup moins organisés vers la culture. Aujourd'hui, avec l'époque qu'on vit, c'est différent, quoi. À l'époque, il y avait beaucoup d'amicales, beaucoup détenues par des syndicats, des ouvriers, ils faisaient beaucoup venir des artistes. Notamment dans la sidérurgie, etc., dans la vallée de la Fench, par exemple, en Lorraine, qui n'est pas très loin de chez nous, on joue souvent. Et voilà, moi, je trouve ça très, très bien. Et du coup, on en vit. On est totalement autonome et indépendant. Et on tisse des réseaux, des liens qui sont super. En plus, si tu veux, Paris, on y a beaucoup joué. Et c'est vrai que c'est une région où il y a 11 millions d'habitants, certes. Mais le bassin, par exemple, sur lequel nous on travaille, est beaucoup plus grand géographiquement, mais il y a plus d'habitants. Tu vois, entre le Rhône-Alpes qui fait 6 millions, l'Alsace 2 millions, le Lorraine 2 millions, tu vois, on est déjà rien que sur ces trois régions. Donc finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas les médias qui centralisent. Malheureusement, c'est très difficile de faire de l'interrégional et d'avoir... Mais en même temps, c'est bien aussi. Dans chaque région, on fait nos preuves. Et puis finalement, on se retrouve souvent sur des très belles scènes, on est invité dans les bonnes émissions à cause de ça. We'll be right back. de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière, de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous, y'a que l'été. Que les filles aient un corps. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs féroles en caracolant de Prosit en Skol. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres. C'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes aux faroupes des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière, les mecs, de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière, de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. C'est vrai. Mais l'alcool est blond, oui. Le diable est à nous. Les gens rousses. Sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière. Oui, vous êtes prêts, vous, là? Êtes-vous toujours prêts? Oui. Monsieur, êtes-vous toujours prêts? Oui! Bon, c'est, au moins, il y en a un qui a du répondant. C'est mieux de savoir que lorsqu'on sonne, on répond. Des fois, ça peut être les témoins de Jéhovah, là. Ah, mon Dieu. Allô, dans le quartier, c'est de pays au penché. En parlant de penché, il y en a qui penchent vers la grande allée, la haute ville. Comme là, j'en vois 2, 3, 4, 5, 6 qui s'en vont là-bas. Là. 6 bons gaillards s'en vont, Non, ils ne mentent pas, ils montent. Oui, ça peut. 6 bons gaillards s'en vont, Yves. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. Ma chansonnette, elle avait disparu, le palier de ma rue était ouvert. La voisin de Marie avait pris le maguis, en veillant la chanson, la pendant de ma vie. Imaginez-vous si vous nous écoutez dans un endroit public. Ça, c'est gênant, là. Parce que vous avez des individus, des gens, des clients qui vous demandent « C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'écoutes là? » Je sais pas, là, j'ai pris ça comme ça au hasard. Mais c'est pas un hasard, c'est qui? C'est quoi? Ça, c'est KRL. C'est quoi? C'est KRL. C'est KRL? C'est qui, ce gars-là? Je le connais pas. Ben oui, c'est qui? Je le connais pas. Comment ça, t'écoutes ça? J'aime ça. Comment ça, t'aimes ça? Parce que c'est ça. C'est ça, c'est quoi, t'as ça, c'est ça? C'est ça dans ça. C'est ça dans ça. Tout ça est dans le ça. Ben oui, tout ça est dans le ça. Depuis le début, tout ça est dans... Est-ce que je peux? Oui. Toujours le micro qui descend. J'espère, il y a deux micros dans le micro. Bon. Tout ça est dans le ça. Ça vient pas de moi, là. Raoul Duguay. Raoul Duguay dans les oiseaux. Dans les oiseaux. Oui, oui, oui, oui. Les oiseaux se cachent pour se nourrir. Oh, mon Dieu, c'est vrai, hein? Oui, parce que sinon, tout le monde vole leurs graines. Oh, c'est pas beau, ça. Non, c'est pas gentil. Faut pas voler les graines des oiseaux. Non. Parce que sinon, ils ne peuvent plus voler. Oh, ils ne peuvent plus chanter aussi. Alors, ça nous fait dormir au mois de juillet, parce que lorsque j'ouvre mes fenêtres, oui, lorsque je suis couché dans mon lit, ouais. Ben, il y a des oiseaux. Oui. Puis ça me réveille. Ouais. J'aime pas ça. Oh non. Ben, voyons, qui aime ça, se faire réveiller par des oiseaux? À part les fermiers, les amoureux de la nature et... Mais surtout, ce qui me plaît là-dedans, c'est les tourterelles. Mais j'en ai que deux. Mais alors, que dalle! Non, mais j'en ai que deux, mais ils viennent pas souvent devant ma fenêtre, parce que je trouve que ça me relaxe. Tu fais la tourterelle? Ben oui. On dirait une moqueuse vacheuse. Ah ben oui, ça c'est un autre oiseau, ça. Une vaqueuse mocheuse. Alors, détournons encore une fois la réalité. Excusez-moi pour les gens qui nous écoutent dans des endroits publics. Mais non, les gens qui ont syntonisé cette station de radio, CKRL, ne me connaissent point. Je suis un hurluberlu. Donc, on peut dire que je détourne encore une fois la réalité. Je survole la déraison et l'incohérence comme seul votre déboucheur de paradoxe. On l'a fait, ça, oui, on sait. Mais décollons, détachons-nous de tout principe de cohérence avec cette inspiration novatrice. Ah, pour ce qui est de l'incohérence, là, mon ami, là, depuis que tu puises... Oui, depuis que je puise... Ben, on peut remarquer... Oui, non, on puise remarquer... Non. On peut remarquer... Oui, mais on puise pas dans les remarques. Bon, tu peux faire, là, mais... tu sais que... Comment t'appelles ça, donc, des... bonsoir, non, t'as un peu... ça me vient pas, le mot, là. Tu sais, l'affaire, là, qui est... Quand tu fais du spaghetti... Bon, encore de la bouffe. Non, mais quand tu fais du spaghetti, oui... Tu mets ça dans un... je sais pas, dans une poêle. Ouais, mais autrement, là, tu la puises dans le... Oh, mon Dieu. Tu la puises dans... Ah, dans une passoire! Ben oui, passoire! Bon. Alors, la lueur, ça, c'est quoi la lueur, là? Ben, c'est l'inspiration novatrice, OK. La lueur éclabousse qu'une fine éclair sur cette sombre affaire. Ah ben là, il faut la relater, l'affaire. Ben oui, mais elle n'est pas frelatée. Elle n'est pas non plus relatée, donc on doit la raconter. Ah oh oui. C'est hier au soir! Ah mon Dieu, pas à Saint-Dilon. Non, c'est dans le troisième rang de Val-Briand. Ah, c'est beau Val-Briand. C'est très, très beau. C'est très beau, mais ça porte pas son nom. Pourquoi? Parce qu'il fait noir la nuit à Val-Briand. Ça brille pas. Ben, on dit que tout brille presque de l'or. Hein? Non, on dit que... Qui brille, l'or brille. Ouais, mais toi, t'es pas de l'or. Non. Non, mais je reste souvent dehors. Ouais, mais l'or, c'est pas dehors. Non, c'est à l'intérieur des terres, en dehors, à l'intérieur des mines. Ah oui, c'est vrai que l'or mine. L'argent aussi mine. Ah, mon Dieu, j'en vois qui sont pris dans leur intériorité en disant « Ah, j'ai pas d'argent. » Et puis, peu importe. Soit la connaissance, soit le savoir universel. Oh, mon Dieu. Ouais, le savoir universel, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on peut le décréter, on peut le raconter, on peut... ouais. Et puis là, c'est quoi la... Oui, c'est, la lueur éclabousse, ouais. Mais quand ça éclabousse, là, ça nous amène au visage des effervescences. Comment? Effervescences. Ouais. Ben, êtes-vous certain, monsieur? Oui! Bon, il sait, lui! Bon, il dit quoi? Ben, c'est pas non, c'est oui. Qu'une fine éclaircie sur cette sombre affaire. Mais c'est pas si sombre que ça. Puisque plus on l'éclaircit, l'affaire, moins elle est sombre. Hey! Hey, ça, c'est pas fou, ça. Hey, là, tu me réveilles de mon soubresaut intellectuel, là. Vous avez entièrement raison, monsieur Blondin. Non, c'est monsieur Malin. Monsieur Malin. Monsieur Mille Malin. Mille Malin, trois désirs. Trois désirs, pas plus. Parce que moi, là, tu sais, quand quand j'ai frotté la... Oh, mon Dieu, vous avez frotté quoi? Non, j'avais trouvé une cuve, ouais. Puis on m'a dit, si tu frottes la cuve, il va y avoir un génie qui va monter là-dedans. Ben voyons donc, c'est pas une lampe. Non, moi, c'est une cuve. Ben voyons. Là-dedans se cache un génie dans une cuve. Ouais, mais c'est un gros génie, là, un espèce de gros sumo génie. Ah, oh, on en parlait de sumo tout à l'heure, ben oui. Mais là, c'était un génie sumo. Ah, man. Il était pas sous l'eau, non, il était sumo. Ah, puis très, très sumo. Ah, il voulait pas, mais il sortait à peine de la tête. Mais, ben, sors plus, puis sors ton corps. Mais il était coincé dans la cuve, là. Ah, un sumo coincé, ben oui. Ça arrive d'être coincé, ouais, mais pas pour un hurluberlu semblable. Ouais. Vous avez raison. Mais dans son cas, c'était ça. OK, ben, on accepte son cas, là. On va le rédiger, puis on va lui ouvrir un dossier. C'est le dossier 73, madame, si vous voulez écrire ça, 73. Filière 17, OK, juste à gauche. Non, c'est le troisième, le rouge, là. Ça, c'est des cas très, très, très, très importants. On va faire les rouges avant, puis après ça, les jaunes, les bleus, puis les vertes. Les vertes, là, ça, c'est pas trop, trop primordial. Mais les autres, là, c'est très inquiétant, OK? Parce que lui, le sumo, là, oh, mais attention, attention. En plus, il se dit un génie. Ah, mais ça n'a pas l'air d'être un génie. Puis j'espère que c'est pas un géniteur, parce que s'il propage son... Hein, bon, on va étudier là. Alors, vous, monsieur, c'est une sombre affaire. Ah, c'est très sombre, mais je l'éclaircis devant vous. Ah. Pourtant, je ne vois rien. Ah non, mais ouvrez vos yeux de Columbo. Ah oui, ouvrez les plus grands. Ben là, les orbites vont tomber. Ben voyons. En passant, là, il y a même la prostitution à cette heure-ci. Le 31 décembre, là, il y a de la prostitution. Ah ben voilà, dis pas ça. Ben non, c'est vrai, non, je ne l'ai pas dit. OK, mais qu'est-ce que... C'est ma bouche qui l'a dit. Ah, ben OK. Alors ça, alors la lueur avec la bouche qui ne fait éclaircir sur cette sombre affaire. Quoique plus c'est sombre, plus on voit le bout de cette affaire. Parce que là, tous les policiers, les détectives, les enquêteurs sont là devant leur calepin puis prennent des notes. Prennent des notes. Troisième degré à droite. Non, c'était presque à droite. C'était au sud-ouest de la droite. Et le sud-ouest de la droite. Moi qui ai de la misère à savoir ma droite puis ma gauche, le sud-ouest. C'est où le sud-ouest? Là? C'est en arrière de toi, là. Tu sais, t'as une couette, là. Ben, en fait, j'ai juste des couettes sur ma tête, ouais. En fait, la couette la plus visible. Ah, ben non, mais moi, ce n'est que des soubresauts risibles. Ben, ouais. C'est vrai, on se fout de ta gueule régulièrement. Ben oui, mais regarde-moi ça, les cheveux. J'ai dit, coupe-moi ça fin, puis elle me coupe ça d'une manière bouffon. Puis là, je fais de la radio là-dessus. Heureusement, j'ai des écouteurs, ça me ramène tout ça vers le bas, mais on dirait que plus ça avance, plus ça... Oui, parce que c'est de la sueur. Ben voyons, on ne suit pas ici. Ben, on ne suit pas ici. Voyons, la porte est barrée, on est coincé, puis on a mis l'humidité à steam. Oh mon Dieu, moi j'estime ça pas vraiment à une chaleur intense. Ben là... Vous n'êtes pas pris là-dedans, là? Ben, je suis pas pris, je suis avec vous! Et avec votre esprit? Avec mon esprit! Ah, ainsi soit-il! Ainsi soit... Hey, on n'a pas changé la... On l'a pas mis, on va pas la mettre, puis... Oh, et on va peut-être la mettre, Chartrand, c'est défait. On va vivre. Ah, ben oui, on l'a mis, celle-là! Bonsoir, madame! C'est pas votre temps, vous, là! Parce que t'étais trop pris dans ton... Non, j'étais imbibé. Ben, voyons! Tu parles d'une histoire d'être imbibé à cette heure-ci. Ben oui, ben... Parce que je voyais pas autre chose que ça. Ben oui, ben oui. Ben, c'est pas pourquoi t'as mis le bonsoir. C'était pas le bonsoir, c'était le bonjour. Ah! Alors, le jour n'est pas venu et le soir non plus. Ben voyons. Puis, là, c'est une histoire de langue. Oh! Une histoire de langue. Qui l'eût su? Ben, le père Lustugru, lui, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Oh, la bastringue! Il a répondu... Attends un peu. Attends un petit peu. Parce que là, les gens vont dire c'est la Bolduc. C'est vrai! Oh oui, c'est vrai, c'est pas Jean Lapointe, là, c'est la Bolduc. C'est vrai que c'est notre histoire, c'est notre folklore et c'est notre réalité à nous, les Québécois. C'est vrai qu'on aime ça l'entendre. Ben, tu parles pour toi, ben non, je parle pour moi puis pour les autres, là. Toi, Marianne, c'est tout, la Bolduc, c'est toute ma vie. Mais comment ça? Ma mère me chantait souvent des chansons de la Bolduc et j'ai grandi là-dedans. Bon, puis plus tu grandis là-dedans, plus je suis, plus je remémore. Hein, mais comment ça, votre mort? Non, plus je remémore, oui, mon enfance. Oh, alors là, on fait de la rétroaction. Ouais, ben c'est ça. La rétroaction avec la Bolduc. Ah, c'est beau, mais... On n'appelle pas ça la rétroaction, madame. Ah non, on appelle ça comment? Ben, on peut appeler ça de la réflexion sur son passé. Ah, OK. Alors, on y va là-dessus. Ça, c'est très plausible. Puis, on va la laisser chanter, madame la Bolduc, parce qu'elle n'aime pas ça quand on la reprend. tu sais, les stars, les vedettes, c'est comme ça. Michael Jackson n'aimait pas ça quand la reprend, lorsqu'on la reprenait. On reprendra pas parce qu'on y va avec lui. Puis là, la bastringue. Les gens connaissent la chanson, ils vont la fredonner avec nous. Comment on fait ça? Ben, on suit sa bouche. Oui, monsieur, je voudrais danser la bastringue. Ouais, mais les paroles sont pas encore passées. Ben oui, mais attends un peu, là, c'est quoi? C'est du karaoké, ok? Ok, ok, du karaoké, ok, on y va avec le karaoké. Ok. Oh, les paroles sont là. Ça s'en vient. Ça s'envole. Je voudrais danser la bastringue, la bastringue. Oui, monsieur, je voudrais danser la bastringue. Va commencer. On dirait que c'est lent, ça. Ben oui, mais c'est un bon duc, hein. Oh! Madame la Bolduc, madame la Bolduc, est-ce que ça vous dérange si je passe à une autre chanson parce que le disque n'était pas celui-là? Ben voyons! Madame Bolduc, là, elle aime pas ça, son impresario. Est-ce que je peux parler à son impresario? Oui, c'est qui? C'est Monsieur Bolduc. Oh, Monsieur Bolduc. ça va bien? Non, ça va pas très bien, Monsieur Gagné. Oui. Ma femme, elle aime pas ça passer en deuxième. Ben oui, mais c'est mon CD qui était... Ouais, qui était comment? Il était comment, votre CD? Il était rond. Oh, OK. Un CD rond, là, c'est... êtes-vous sûr que c'est pas un CD-ROM? Un CD-ROM, non. C'est un CD, là. C'est un enregistrement numérique dans lequel j'avais placé de la musique. Ouais. Ben, c'est parce que je me suis trompé, puis je voulais pas. Les gens comprendront pas la suite de l'émission. Ben ouais, mais il y a pas de suite à cette émission-là! Ouais, mais monsieur l'impresario, oui! Votre femme va aimer ça, là. Je vais lui laisser une place, je vais lui déplier le tapis rouge. Je pensais le tapis vert. Non, le tapis vert, non, c'est le tapis rouge. Oh, OK, ben si c'est pour elle, avez-vous une introduction? On va l'introduire, vous allez voir. Elle va aimer ça. Ben là, pas plus que quand je l'ai introduit. Non, je vous le jure, ça sera pas... Bon, on y va plus tard. OK. On vous pardonne. Pour une fois. Cette fois-ci. Mais il n'y en aura pas deux fois. OK. Il y en a juste une fois. OK. Alors, on vous laisse avec votre instrumentiste. Merci. Allez-y, monsieur. Ben, il a déjà commencé. Yeah. Ce soir, l'après-midi, blé d'Inde, puis demain. Guarda un sirido da poco traverso. No vanno a guarda un sirido da poco traverso. No vanno a guarda un sirido da poco traverso. Thank you. excuse-moi la nuit si je viens me déranger. J'apprends un appui hors des heures étrangers. Si je brise ton silence de mes bruits familiers, accorde-moi la chance, le pouvoir de rêver. Bonjour à la nuit, la bonne nuit au jour. Bonjour à la nuit, la bonne nuit au jour. J'abandonne parce que l'aurore est lui et le soleil résonne. Il me faut partager mon amour de la vie sans endommager les rives de l'envie. Excuse-moi le jour d'avoir pris du retard. Pardonne le troubadour de s'être couché tard. Il parlait à la nuit de ses heures d'ivresse, mais il n'a rien écrit, mon Dieu, quelle maladresse. Bonjour à la nuit, la bonne nuit au jour. Bonjour à la nuit, la bonne nuit au jour. Bonjour à la nuit, la bonne nuit au jour. Bonjour à la nuit, la bonne nuit au jour. J'ai trouvé ma, une autre feuille, mais si tu étais une ville. Une ville. En gros, la ville que je préfère. La ville, oui, une ville. Que j'aime particulièrement. Ben, que tu n'as jamais visité peut-être, ou que tu aimerais visiter, ou alors, ça peut être une, imaginons une ville comme Toulouse, mais au bord de la mer. Oh, ok. Oui, donc c'est une ville à inventer. Si tu étais une langue. Ah. La langue, c'est particulier chez ouais. nous. Hein. Oui, mais chez nous aussi. Encore c'est... Plus, oui, ouais. bah oui, bah oui. Ouais, ben, vous, encore davantage, parce qu'il y a... Bah, et puis... Il y a anglais, français, allemand. Bah, il y a beaucoup allemand, suisse-allemand, et puis le nord, donc la Moselle est frontalière avec la Belgique et le Luxembourg. Donc, voilà, mais particulièrement, moi, ma grand-mère est italienne, parlait l'alsacien avant de parler le français, tu vois. Donc, mais, c'est... mais la bouffe, c'est extraordinaire pour la bouffe. Ah oui, c'est terrible. C'est merveilleux. Donc je sais pas, je dirais une langue latine. Voilà, je ne veux pas me prononcer, ce serait peut-être l'italien, le français ou l'espagnol, j'adore ces langues. Mais voilà. Tu peux les parler, ces langues-là. Oui. Ah oui, ouais. Un tu petit peu. Français, anglais. Anglais, allemand, et puis. Allemand couramment. Et il y a ein bisschen. Ich habe eine Schule gelernt und Deutsch dann gearbeitet. Et l'italien, j'apprends l'italien. Oh, c'est bien. Si tu étais un aliment, et là, on arrive dans la bouffe. Ah, oh, l'aliment, c'est les pâtes, quoi, tu vois. Ben oui, l'italien. La pasta chaude. Ben oui, avec quoi? Ah, j'adore les pâtes que fait mon pote Franco à l'hôtel de l'Ange à Guebwiller, en Alsace. C'est un italien des Pouilles et il fait des pâtes avec des noix de Saint-Jacques. Des petits poivrons, enfin tu vois, c'est des pasta choute, quoi, c'est vraiment, il y a des petits légumes coupés, et puis un petit peu de fruits de mer, ça c'est terrible. Revenu dans une poêle comme ça, tu vois. Oh là là. Voilà. Elle t'a ravagé l'estomac. Cette petite gueuse de l'autre soir, elle ressemblait à de la vodka, avec un air doux au Fanta. Oh l'écart, le petit soifard, t'as voulu boire le café noir, après la folie des sodas, dans ta recherche des enfants. La tête dans les nuages, et la langue bien pendue, assoiffée de rivage, accostée mais perdue. Oh, la tête dans les nuages, et la langue Mais le goût sucré des mystères frise la tendance des goûts amers, des idéaux déchus de mai. Quand tu les consommes à l'envers, un jour tu perds, un jour tu gagnes. Et quand tu perds, tu vis le bagne. Fallait pas boire plus gros que toi. Corsaire, c'est la castagne. Où la tête dans les nuages et la langue bien pendue, assoiffé de rivage, accosté mais perdu. Où la tête dans les nuages et la langue bien pendue, fais-toi un petit voyage. Cesse de pleurer quand t'as bu. Demi-dieu et petite sirène ne font chanter que les baleines. T'as rompu le traité de paix, creuser des tranchées dans la plaine. Y'a plus de fruits de mer dans ses baies, et plus de cerises dans ton petit lait. Petit marin, petite scène, tourne ta barre et quitte ce quai. La tête dans les nuages et la langue bien pendue, assoiffée de rivages. Oh, accosté mais perdu. Oh, la tête dans les nuages et la langue bien pendue. Fais-toi un petit voyage et cesse de pleurer quand t'as la tête dans les nuages et la langue bien pendue, assoiffé de rivage. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com. Ou vous joindre à son réseau social, Facebook, en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Au contraire, je suis amoureuse d'Argentine et ses lyres, bandonnée en huit tango. Je veux vivre et mourir sur ton vieux tapis tout chaud. Écoute, madame, monsieur, je suis la reine de tango. Liberté, libertad, j'adore te danser rando. L'Argentine a ses lyres, que je t'aime, yo te quiero. Mais mon amour pour toi déchire mon âme au galop. Ah, ah, si tu savais, mon cœur est désemparé. Et cadenassée, ma raison désespérée. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah, si tu voulais me rendre un peu de liberté, dans la rue, je pourrais chanter le respect. joyeux avant tous les trois. Le bandoneon, le tango et moi, c'était la java. Allons-y, dépêche-toi, réconcilions-nous, plus vite sinon j'en mourrais. Car je ne pourrais supporter de trahir mes pensées, ça, jamais. Au revoir mesdames, messieurs, j'étais la dame de tango, le soleil dans les yeux, mon cœur danse sur un dos, l'Argentine a chanté, bandonnée en huit tangos, mais les bons souvenirs, je dois leur tourner le dos. Adieu mesdames, messieurs, je meurs en dame de tango, le soleil dans les yeux, mon cœur danse sur le dos, l'Argentine gémira, bandonnée en huit tangos, mais les bons souvenirs seront avec moi là-haut. Bonjour mesdames, messieurs, c'est l'ange dame de tango. Les étoiles dans les yeux, berce son cœur sur le dos, caresse de ses ailes, bandonnée en huit tangos, et les bons souvenirs nous enchanteront bientôt. Écoute, madame, monsieur, la dame de tango. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.